بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on va commencer au quatrième point. C'est une quatrième règle parmi les règles qui sont établies par les ulama. Et cette qa'ida, elle dit inna dar al-mafasid muqaddam ala jalb al-masalih. On avait commencé à expliquer cette règle-là la dernière fois, expliquer que étant donné qu'il n'y avait pas beaucoup, il restait pas beaucoup de temps, donc, et que c'est un point qui demandait beaucoup d'explications, on avait coupé ça court, puis on avait décidé de laisser ça jusqu'à aujourd'hui. Donc on va reprendre du début, Inch'Allah, essayer de l'expliquer de façon simple et claire, Inch'Allah. Qu'est-ce que ça signifie cette règle? Ça signifie d'éloigner le méfait et de rapprocher, ou bien le fait d'éloigner le méfait a précédence sur le fait d'aspirer un bienfait. D'accord? Donc, si ça, on va l'expliquer ce que ça signifie, le chef. D'éloigner le méfait, ça a précédence sur le fait d'aspirer un bienfait. D'accord? Donc, éloigner ce qui est mauvais, c'est plus important que d'aspirer un bienfait. D'accord? Les preuves de ça, le chef, il mentionne plusieurs preuves du Coran et de la Sunna pour prouver cette règle dans le Coran et dans la Sunna. Le premier, c'est, il dit, قوله تعالى, ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. N'insultez pas ceux qui invoquent en dehors d'Allah, parce qu'en retour, ils risquent d'insulter Allah subhanahu wa ta'ala en injustice, et sans connaissance. D'accord. Et le chef il dit فحرم الله سب آلهة المشركين مع قول السب غيظا وحمية لله وإهانة لآلهتهم لكونه ذريعة إلى سبهم الله تعالى وكان مصلحة ترك مسبة الله تعالى أرجح من مصلحة سبنا لآلهتهم. Donc qu'est-ce qu'il explique le chef ici, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit d'insulter les idoles des mushrikines. Si ça va amener à l'insulte d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Pourquoi? Parce que le fait de vouloir insulter ces idoles-là, c'est quelque chose de bien. Si on le fait par amour pour Allah subhanahu wa ta'ala et par haine pour ces fossés que les gens adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et également pour rabaisser et dénigrer, montrer du dédain pour ces idoles-là. Donc quand on les insulte dans cette intention-là, c'est quelque chose de bien dans l'islam. Excepté que si tu crains que ça va amener au fait que les mouchriquins vont insulter Allah subhanahu wa ta'ala, alors c'est mieux d'éviter de... Et c'est même pas permis d'insulter les idoles dans ce cas-là. Donc on voit que le mal est plus grand dans ce sens-là que le bien qu'on pourrait en retirer. Il y a du fait de les insulter. Le mal, c'est-à-dire que Allah soit insulté, est plus grand que le fait du bien qui est d'insulter les idoles. Donc, dans ce cas-là, c'est mieux de laisser tomber l'insulte des idoles pour pas que le grand mal, c'est-à-dire que Allah soit insulté lui-même. D'accord? deuxièmement, le cheikh il mentionne comme deuxième preuve, وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة لو أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم فأدخلت لأمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض. Qu'est-ce que ça signifie ici? Ça veut dire, si ton père, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à Aïcha, radiallahu anha, si ton père n'était pas nouveau dans l'islam, il n'est pas juste de se convertir, eh ben, j'aurais fait détruire la Kaaba, et je l'aurais fait reconstruire comment elle avait été construite à l'époque de Ar Ibrahim. D'accord? Et donc, on voit que, il y a dans cet exemple-là un bien et un mal. Le bien, c'est-à-dire que la Kaaba soit rebâtie selon les fondements d'Ibrahim. Il y a un mal. Le mal, c'est quoi? C'est que ces gens-là qui sont nouvellement convertis à l'islam rejettent l'islam. Ils commencent à s'enfuir de l'islam à cause de cette action-là. Donc, le petit bien, eh bien, on le laisse tomber pour éviter un plus grand mal, d'accord? Et ça, c'est ça que le cheikh il explique. Il dit, فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دلالة ظاهرة على معنى هذه القاعدة إذ ترك النبي صلى الله عليه وسلم مصلحة بناء البيت العتيق على أسس إبراهيم عليه السلام لدرء مفسدة خشية وقوعها وإن هو هدمه وبناه عليها وهي نفور الناس عن الإسلام أو ردتهم بسبب هذا الفعل فقدم النبي صلى الله عليه وسلم درء هذه المفسدة على جلب تلك المصلحة. Donc c'est exactement ce que j'avais expliqué plus tôt, c'est que le prophète صلى الله عليه وسلم a préféré de rapprocher les gens à l'islam plutôt que de ramener un petit bien, c'est-à-dire de refaire la Kaaba selon la base d'Ibrahim. Troisièmement, الشيخ يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكف عن قتل المنافقين مع كونه مصلحة لئلا يكون ذريعة إلى تنفير الناس وقولهم أن محمدا يقتل أصحابه. للقفل صلى الله عليه وسلم il a évité de, ou bien il n'a pas tué les hypocrites, les munafiqoun. Il ne les a pas tués. Et de peur que les gens disent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam tue ses compagnons. D'accord? Donc, c'est évident que le fait que les munafiqoun cessent d'être une nuisance, c'est un grand bien. Excepté que le mal qui en découle, c'est-à-dire que les gens commencent à craindre d'entrer dans l'islam, parce qu'ils craignent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam même tue ses compagnons, ça c'est un plus grand mal. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait précéder l'éloignement de ce mal-là plutôt que du petit bien qu'il pourrait retirer du fait que ces munafiqins-là cesseraient d'être une nuisance pour les croyants. Quatrièmement, le cheikh il dit نهيه صلى الله عليه وسلم عن قتل الأمراء والخروج على الأئمة وإن ظلموا ما أقاموا الصلاة سدا لذريعة الفساد العظيم والشر الكثير فقتالهم كما هو الواقع فإنه حصل بسبب قتالهم والخروج عليهم أضعاف ما هم عليه من منكر والأمة في بقايا تلك الشرور إلى الآن. قال عليه الصلاة والسلام إذا بني على خليفتين فاقتلوا الآخر منهما سدا لذريعة الفتنة. انتهى ملخصا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. Donc le cheikh il explique ici un autre principe. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit aux musulmans de combattre les dirigeants et de sortir contre eux. Que ce soit sortir avec les armes ou sortir par la parole, c'est-à-dire en parlant contre eux ou en incitant à la révolte, même si ce sont des dirigeants injustes. et tant qu'ils ont établi la salat. Et le chef nous dit que ça, c'est saddan lizari'a, c'est-à-dire c'est pour fermer une porte vers quelque chose qui pourrait amener une plus grande corruption et un plus grand désordre, hein. Et le mal qui pourrait en découler, qui pourrait découler du fait que les musulmans commenceraient à les combattre. Et le cheikh, il dit que ce mal-là, c'est le mal dans lequel les musulmans sont en train de subir. On est en train de subir les conséquences de ce mal-là. Qu'est-ce qui arrive maintenant dans les pays musulmans? C'est les conséquences de qu'est-ce que ces gens-là ont fait lorsqu'ils ont pris les armes contre les dirigeants. Et ça, c'est un mal, le mal qui est la conséquence du fait de se révolter puis d'appeler à la révolte. Et beaucoup de fois, il y a une multiplicité par rapport au petit bien qu'on essaie d'en recevoir, d'avoir en retour. Et donc, le chef, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'on a donné l'allégeance à deux khalifas, tuer le deuxième d'entre eux. Lorsqu'on a donné une allégeance, c'est-à-dire une bay'a à un khalifa ou à un dirigeant, et qu'il y a un autre à qui les musulmans ont donné une bay'a aussi, il faut tuer le deuxième. Et le chef, il dit que ça, c'est dans le but de couper la fitna, ou de fermer la fitna. Parce que si on ne le tue pas, qu'est-ce qui va arriver? Ça va toujours rester une cause de tentation, pas de tentation, mais de divergence, et une cause de division chez les gens. Et lorsqu'il y aura un conflit ou un problème, les gens vont toujours retourner vers le deuxième, et puis se mettre autour de lui pour essayer de se révolter contre le premier. Donc, pour fermer la porte à ça, eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de le tuer, le deuxième. Et donc, ça montre aussi comme, par exemple, si que dans un pays musulman, s'il y a un dirigeant qui est au pouvoir, c'est pas permis de donner une allégeance ou une bay'a à quiconque autre à l'intérieur de ce pays musulman-là. D'accord? Que ce soit une bay'a à un chef d'un groupe islamique, ou à un autre genre, ou à un chef soufi, ou à d'autres choses de ce genre. Il y a seulement une forme de bay'a qui est valable, qui est acceptable dans l'islam, selon la sunna, c'est la bay'a pour les dirigeants des musulmans. Et c'est à lui seul seulement que c'est valable. Le cheikh il dit, par la suite, que ça c'est un résumé des paroles de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Et après il dit, « ويقول شيخ الإسلام بعدما ذكر جملة من الفروع المندرجة تحت قاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح وأنه إذا تعارضت المصالح والمفاسد قدم الأرجح منهما على المرجوح قال رحمه الله مثل إذا expliqué une autre dimension de cette règle. C'est la dimension ou la question dans laquelle il y a une confusion entre les bienfaits et les méfaits dans une situation. Et là, dans ce cas-là, ça devient plus compliqué à déterminer auquel il faut donner précédence, auquel il faut mettre de l'avant, ou lequel il faut mettre en deuxième. Voilà, ça c'est plus, dans cette situation-là, c'est plus compliqué. Mais juste avant ça, j'ai un autre exemple à donner en ce qui concerne cette qaïda, parce que juste pour vous donner une information, subhanallah, Cheikh Ibn Qayyim al-Jawziyya, dans son livre I'lam al-Muwaqqi'in, il a donné 99 exemples de ce genre pour prouver cette règle. Hein? Donc, c'est juste pour vous dire que cette règle-là, c'est une des règles qui est une des plus fondamentales dans la charia. Non, c'est pas sur l'islam. Ça, c'est des règles qui ont été établies depuis le temps du prophète, puisqu'elle est établie dans le Coran et dans la Sunna. Mais, c'est-à-dire qu'elle a été. Parce qu'en fait, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Exactement. Parce que toutes les sciences qu'on étudie, que ce soit le tawhid, que ce soit le fiqh, que ce soit l'aura. Ces séances-là n'étaient pas écrites dans les livres à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais elles existaient déjà dans le Coran, dans les hadiths et dans tout ça. Hein? C'est uniquement lorsque les musulmans ont eu besoin d'écrire ces choses-là pour faciliter aux musulmans l'apprentissage et l'étude que les musulmans ont écrit des livres sur ces différents sujets-là. Mais sinon, les sahabas n'en avaient pas besoin de livres de fiqh. Ils n'avaient pas besoin de livres de nahou. Parce que c'était des fuqahas directement parce qu'ils avaient vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam prier, jeûner, faire le hajj. Hein? Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Sallu kana ra'aytumuni usalli » Alors, et ils avaient vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il a dit « Priez comme vous m'avez vu prier. » Hein? Donc, c'est clair comment on doit prier, comme on a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Exactement, aujourd'hui on a besoin des volumes. Donc eux, pour eux, c'était pas nécessaire d'avoir ces volumes-là, puisque c'est ça, ils l'avaient vu devant eux et ils l'ont vécu. Donc c'est ça la différence, c'est ça le bienfait des salafs sur nous-mêmes. Et un autre exemple de cette règle que je voulais vous donner, c'est le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ya ayyuhallazina amanu, la taqulu ra'ina wa qulu nzurna wa sma'u » Ok. Et dans cette règle-là, il y a une preuve de ce principe. Dans ce verset-là, il y a une preuve de cette règle. C'est que Allah, dans ce verset-là, il dit aux musulmans, ne dites pas ra'ina, ne dites unzurna. Hein? Parce que dans la langue arabe, ra'ina, ça existe. Dans ce sens-là, de vous en dire comme ça. Donc, les croyants, ne dites pas ra'ina, ne dites regardez-nous. Ra'ina, c'est un mot arabe qui veut dire occupe-toi de nous ou regarde-nous, soit. Et les juifs utilisaient ce mot-là parce que dans leur langue, ra'ina, ça veut dire une insulte. Alors eux, ils utilisaient le mot arabe, ra'ina, mais ils voulaient dans leur langue à eux insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, les sahaba, eux, les musulmans, commençaient à utiliser eux aussi ce mot-là pour imiter les juifs, mais eux, ils ne savaient pas que c'était nécessairement une insulte. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala a fait révéler ce verset-là dans le but d'interdire aux croyants d'utiliser un terme qui pourrait impliquer quelque chose de mal, même s'il est bien en lui-même, d'interdire de l'utiliser pour éviter un mal qui est plus grave. D'accord? Et donc ça c'est une autre règle qui prouve cette règle-là. Moi j'avais considéré que c'était même une preuve contre l'utilisation parce que j'avais lu certains textes dans l'internet écrits par différentes personnes, comme Al-Qarda, où tout le monde sait qu'il défend la démocratie, d'accord? Mais lui, il a fait une autre interprétation de la démocratie pour essayer de le rendre islamique. Et donc, il disait, moi j'utilise le mot démocratie, mais pas dans la même définition que la définition des kuffars. Moi je donne une autre définition à la démocratie. Donc, selon ma définition, la démocratie est correcte. Moi j'avais répondu à ça en disant ce verset-là. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala a dit aux musulmans de ne pas dire ra'ina. Parce que ça pouvait impliquer quelque chose de négatif. Donc, si on sait, nous, que la base de la démocratie, c'est basé sur le kufr. Ça veut dire, par exemple, demonstratos, c'est-à-dire le pouvoir du peuple. Hein, et que tout ça s'est fondé sur l'idée que l'être humain doit se diriger lui-même et choisir ses lois. Donc, tout ça, on sait que c'est kufr. Hein? Mais lui, il essayait de dire non, ça ne voulait pas dire ça, c'est juste pour comment choisir son dirigeant, puis comment trouver la meilleure personne qui est la plus responsable, et tout ça. Donc, il dit écoute, étant donné que ça implique un mal, laisse tomber ce terme et n'utilise pas. D'accord? Puisque tu vas induire les musulmans dans l'erreur, tu vas les faire tomber dans quelque chose qui est courte, alors qu'ils ne savent même pas. Hein? Exactement. La laïcité, puis tous ces autres termes qui sont des termes qui sont introduits dans le monde musulman par les kuffars, et ils les utilisent, essaient de les rendre islamiques, et ça crée beaucoup de fitna, beaucoup de shubuhat. Et donc, ce principe-là nous montre que. Je le connais. Non. Al Jazeera, Wafa Sultan, je ne connais pas. Alors, tu sais, c'est à la mode ces gens-là, de ces temps-ci, là. le bien de ces paroles-là. Et là, j'étais sur le site de Sahab, j'ai trouvé un des gens qui a mis un fichier. C'est une recherche qui a été commandée par service de renseignement américain, je sais pas quoi. Et ils ont fait une étude et ils ont essayé de. Qu'est-ce qu'ils essaient de faire? C'est de créer un islam démocratique aux États-Unis. Et puis, ils ont fait toute une étude sur toutes les différentes tendances parmi les musulmans, tout ça. Ils essayaient de retrouver parmi les groupes musulmans ceux qui sont prêts à défendre cette version de l'islam qu'ils essaient d'inventer. Ikhwan musulmans, hein. Quand le Soudan fait partie de la tendance des Ikhwan. Et c'est eux, ils ont fait un pacte même avec les Kuffars, avec les Américains, pour les aider à fonder cette différente nouvelle version démocratique de l'islam. Mais ils l'ont déjà fait en France. Ils ont quoi ça s'appelle? Moi je l'ai toujours en France en tout cas. Et ce sont tous des Ikhwan musulmans qui sont là-dedans en général. Et on sait que le parapluie sous lequel le parapluie de Ikhwan musulmans recouvre tous les gens de Bédaïa, que ce soit des Soufia, Sha'ira, Khawari, toutes les tendances sont acceptées. Tant que dans votre tablier et tout, c'est un utilisant. Subhanallah. Ça, c'est pas surprenant. Mais l'autre jour, j'étais sur un site, comme ça, je parcourais, puis j'ai trouvé, parce que vous savez comment les Ikhwan sont des gens qui vont trouver n'importe qui va parler bien, qui attire les foules, ils vont le mettre, ils vont lui donner une importance, comme si c'est un savant de l'islam. Donc, même si c'est le pire des ignorants, d'accord? Comme Amr Khalid, par exemple. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Amr Khalid est allé en France. Donc, là, ils ont rempli un stade lorsqu'il est allé là-bas. Et là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'ils ne voulaient pas le laisser rentrer en France. Alors, les Ikhwan, bien entendu, ce sont les Ikhwan musulmans qui l'ont fait venir. Eh bien, étant donné qu'ils ne voulaient pas laisser rentrer le gouvernement français, ils sont allés parler avec le ministre des Affaires intérieures, je pense, des Affaires intérieures, pour le donner. Parce que un nom, j'ai oublié son nom, mais ils le disent son nom au début de la conférence. Ils disent on remercie le ministre, je ne sais pas, mais si tu vas sur le site de Amr Khalid, dans les conférences qu'il a faites en France, dans d'autres pays, tu vas voir, et là, ils mettent les vidéos, mais tu vois les images. Et donc, tu vois, ils disent, on remercie le ministre un tel pour avoir permis à cette conférence d'avoir lieu, et tout ça, donc... il n'a pas de haine. Il a étudié quoi, en administration ou en gestion, et puis il a une grosse moustache, il a pas, il est rasé, il porte cravate, de son. Donc, pour eux, ça, c'est le alim de la Oumawa, ouais. Non, c'est pas une dame, c'est pas long. Ouais, c'est vrai, il en parlait souvent. Ouais, Cheikh Moussoulin, il en parlait du Zoom. Mais il a parlé aussi de, par exemple, Cheikh Ubayd al-Jabri, on lui a demandé au sujet d'Amr Khalid, et Ubayd al-Jabri, il dit oui, c'est un aqlani, hein, il fait partie de ceux qui interprètent le tafsir du Coran, ils font le tafsir du Coran selon leur propre interprétation. Hein, ils peuvent prendre les versets du Coran, commencent à parler pendant une heure sans jamais mentionner un autre verset ou un hadith. Oui, c'est comme parler du Coran selon sa tête. Et puis aussi, il fait partie de, il y a nous, ces gens-là, de tendance de Ikhwan, ils vont jamais parler de tawhid, parler de shirk, parler de bid'ah, parler des fondements, ils vont jamais discuter de ces choses-là. Non, exactement. Donc, les fondements, les priorités, eux, pour eux, les priorités, c'est quoi? L'économie, politique, réunir les musulmans n'importe comment, n'importe pour n'importe quoi. C'est mais, en tout cas, on est sorti du cours, mais c'est important de mentionner ça pour, dans le but de comprendre comment on est capable d'appliquer cette règle-là dans beaucoup de contextes, hein. Et aussi, même sur le plan de la démocratie, on avait mentionné quelque chose là-dessus, parce que on sait que ceux qui prétendent que c'est correct de rentrer dans les élections, puis les démocraties ici, pour voter pour quelqu'un, ils disent qu'il y a beaucoup de maslaha là-dedans, d'accord? Mais ils oublient de mentionner même qu'il y a des mafasid. Et c'est pas des petites mafasid, c'est des grosses mafasid, puisque ça a rapport avec le coffre, ça a mafasid du méfait. Hein? Donc le fait de, eux ils voient que le fait que par exemple si tu votes pour un ministre puis tu l'encourages, peut-être qu'en retour il va te rendre des services, il va t'aider par exemple pour avoir ci ou pour avoir ça dans la dunya, hein, dans les pays, surtout dans les pays de Côte d'Ivoire, même dans les pays musulmans. Mais regarde les mafasides qui viennent de ça, regarde les conséquences négatives qui découlent de ça, c'est que les musulmans participent à ce système politique là qui est basé sur le coffre, hein, et qui commence à entrer dans ce jeu-là qui va les mener à beaucoup de choses qui sont complètement haram. Et il y a un des élèves du chef Moukbel qui a écrit un livre sur ça, je pense que les frères ils l'ont en haut du deuxième étage, c'est un livre qui, je pense que ça s'appelle تنوير المكاشف بكشف مفاسد الانتخابات، تنوير الظلمات بكشف مفاسد الانتخابات كيف فازير إليميني لتناب فوق ديماركي لمساء دي زلكسون نعم Si tu trouves que quelqu'un, même si. C'est à peu près de l'info. Oui, oui. Mais si tu trouves que quelqu'un qui va voter, qui gagne, il va avoir du bien pour le musulman. Oui, ou plus de mal. Oui, c'est ça. Sallallahu alayhi wa sallam. Oui, j'ai entendu ça, Cheikh Ibn al-Taymin qui disait ça. Sauf que dans le livre, même, il y a une réponse à cet argument-là. Parce que le Cheikh, à la fin du livre, au début du livre, il a montré environ 40 mafasides pour les élections. Puis à la fin, il a mentionné les shubuhat de ceux qui veulent supporter ça. Et une de leurs shubuhat, c'est de dire, ah, il y a certains shuyukh qui ont accepté ça, d'accord. Et le Cheikh, il répond à cette shubuhat. Peut-être la semaine prochaine, je vous l'apporterai la réponse. Et puis on pourra peut-être mentionner les shubuhat. Donc le cheikh il dit, donc là il commence Ibn Taymiyyah, le cheikh il cite les paroles d'Ibn Taymiyyah dans lesquelles il clarifie la situation lorsque c'est pas facile de déterminer les bienfaits et les méfaits. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Quand il y a une contradiction entre les bienfaits et les méfaits, auquel des deux on donne précédence? الشيخ يقول منها أن من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة أي أئمة الجور وترك القتال في الفتنة والجماع ذلك داخل في القاعدة العامة فيما إذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات أو تزاحمت فإنه يجب ترجيح الراجح منهما فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد وتعرضت المصالح والمفاسد فإن الأمر والنهي وإن كان متضمنا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر في المعارض له فإن كان ما يفوت من المصالح أو يصلح من المفاسد أكثر لم يكن مأمورا به بل يكون محرما إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته. نعم. Donc, avec la façon de former des phrases en arabe, on est capable de dire des choses d'une façon incroyable que je pense pas que ce serait possible de dire la même chose en français dans la même structure de forme de phrase. Parce que quand le traducteur va traduire ça, là, il va avoir besoin d'une page entière pour traduire ce passage. Tellement qu'il y a de phrases interposer. Cheikh dit, bon, parmi les fondements de Ahl al-Sunna al-Jama'a, il y a qu'on doit rester avec le groupe, rester avec al-Jama'a, de ne pas se diviser, d'abandonner le combat contre les imams ou les dirigeants qui sont injustes, et de laisser tomber le combat lorsqu'il y a de la fitna. D'accord ? Quand il y a une fitna entre les gens, tout le monde combat, puis on ne sait pas qui combat quoi, puis pourquoi, puis pour qui. Alors, on appelle ça la fitna, c'est ça le fitna. Et dans ces situations-là, on n'a pas le droit de combattre. Ça fait partie du fondement de Ahl al-Sunna. Et le cheikh dit, et qu'est-ce qui rassemble tout ça, là, qui rassemble ces règles-là ou ces principes-là, c'est la règle générale qu'on vient de mentionner tout à l'heure. Lorsqu'il y a un conflit d'intérêts entre les bienfaits et les méfaits, et lorsqu'elles sont toutes mélangées ensemble, eh ben, le cheikh il dit que c'est obligatoire dans ce cas-là d'essayer de vérifier laquelle lesquelles amène le plus de bien, et puis ou bien laquelle amène le plus de mal. Et là, on regarde lequel de ces deux-là va, si c'est ça amène plus de bien et moins de mal, on le met devant. Si ça amène plus de mal et moins de bien, et on l'éloigne. Puis là, il y a toute une explication détaillée de ça que le cheikh va donner, puis on va l'expliquer étape par étape. Donc le cheikh il dit que si par exemple l'ordre ou l'interdiction implique un bien ou l'éloignement d'un mal, donc on regarde dans les oppositions. Qu'est-ce qu'on risque de manquer de bien et qu'est-ce qui risque de se produire de mal, et lequel de ces deux-là va être le plus, en plus grande quantité. Et si ça amène plus de mal, bon, bien entendu, on n'est pas ordonné de le faire. Dans ce cas-là, c'est haram de le faire. Même si le bien qui, si le mal qui en découle est plus grand, donc même s'il y a un petit bien, c'est mieux de le laisser tomber. Puis là, il va expliquer ça en détail. واعتبار مقادر المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة. Donc, comment on détermine qu'est-ce qui est un bienfait, qu'est-ce qui est un méfait? Eh bien, le cheikh il dit que ça c'est selon la balance de la charia, pas selon les balances de la dunya seulement. Comme les gens actuellement, les kuffars, par exemple, quand ils déterminent le bienfait et les méfaits, ils déterminent ça uniquement selon les conséquences matérielles, d'accord? Les profits économiques, les pertes économiques, ou bien les effets, les impacts sur la nature, sur l'environnement. Ils n'en pensent pas souvent, mais il y a des groupes, on sait qu'il y a des groupes environnementalistes actuellement qui sont des fanatiques pour l'environnement, et ces gens-là, ils donnent beaucoup d'importance à ça. Oui, c'est ça. Donc, ces gens-là, ils ne vont jamais regarder les choses selon les bases de la charia, mais uniquement sur les conséquences matérielles. Donc, si par exemple, des choses ont un impact négatif sur la morale, ou sur la société. Hein. Par exemple, j'ai parlé avec des gens qui défendaient le système socialiste en Cuba, d'accord? Et ils disaient, regardez à Cuba, ils ont réussi, malgré le mondialisme, la mondialisation, ils ont réussi à garder une économie solide et forte, et ils n'ont pas besoin d'aide extérieure. Ils disent, regardez sur quoi se base leur économie, sur les cigares, sur le rhum, sur la prostitution touristique et sur, quoi encore, sur la musique. Toutes des affaires de corruption. Hein? Et donc, j'ai dit, ils ne regardent pas du tout l'aspect moral. Yani. Donc, comment tu peux dire qu'un pays qui base son économie sur tout ce qui est haram, tout ce qui est mauvais pour l'humanité, peut avoir une économie solide? Yani. Et ça, c'est des gens qui regardent juste les masalih dunyawiyya, et puis qui ne regardent rien en ce qui a rapport avec les règles de charia. Allah il nous a donné cette religion pour être capable de juger, de distinguer entre le vérité et le faux. Le cheikh dit par la suite, « وَعَلَى هَذَا إِذَا كَانَ الشَّخْصَ أَوْ الطَّائِفَ جَامِعَيْنِ أَوْ جَامِعِنَا بَيْنَ مَعْرُوفٍ وَمُنْكَرٍ فَحِيثُ لَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَهُمَا بَلْ إِنَّا أَنْ يَفْعَلُوهُمَا جَمِيعًا أَوْ يَصْرُفُوهُمَا جَمِيعًا لم يجب أن يأمروا بمعروف ولا أن ينهوا عن منكر بل ينظر. Le Cheikh dit, si par exemple il y a dans une personne, dans un groupe de personnes, du bien et du mal, de telle façon à ce qu'il n'est plus possible de distinguer entre les deux, clairement. D'accord? Peut-être qu'ils le font toutes les deux ensemble, ils font le bien et le mal en même temps, et ils laissent tomber le bien et le mal en même temps. Donc, le Cheikh dit, dans ce cas-là, il n'est pas permis d'ordonner un bien ou d'interdire un mal tant qu'on n'a pas bien médité ou observé la situation. Cheikh dit, فَإِنْ كَانَ الْمَعْرُوفْ أَكْثَرْ أَمَرَ بِهِ. Si le bien est plus grand, il l'ordonne. حَتَّى لَوْ سَلْزَمَ مَا هُوَ دُونَهُ مِنَ الْمُنْكَرْ. Même si ça implique de garder un peu de ce qui est moins grand du mal, par exemple. Si il va ordonner le bien, s'il y a plus de bien. Même si avec ce bien-là, il y a un peu de mal dedans. D'accord? Mais le mal qui est avec est moins important que le bien. Donc, il ordonne le bien, même si ça implique un petit mal. Le chef, il dit par la suite, ولا ينهى عن منكر يستلزم تفويت معروف أعظم منه. Il n'interdit pas, il ne va pas interdire un mal qui impliquerait laisser tomber un bien plus grand. D'accord? Donc, je ne sais pas si vous comprenez. Ok. Il n'interdit pas un mal qui impliquerait de laisser passer un plus grand bien. Et, donc là, on vient juste de dire qu'il y a un plus grand bien, donc on leur donne, même si avec ce grand bien-là, il y a un peu de mal. Mais là, si quelqu'un dirait, bon, il y a un grand bien, mais moi, je préfère interdire ce petit mal-là, plutôt que d'ordonner le grand bien. Je préfère interdire ce petit exemple de petit mal qui est dedans, ce grand bien-là. Oui, c'est ça. Donc, le chef, il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, لأن النهي يكون حينئذ من باب الصد عن سبيل الله والسعي في زوال طاعته وطاعة رسوله وزوال فعل الحسنات. Donc, dans ce cas-là, si tu fais ça, si tu fais cette interdiction-là du mal, eh ben, tu vas comme bloquer le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est comme si là tu éloignes les gens vers l'obéissance d'Allah et l'obéissance de son messager, et tu éloignes les gens de faire le bien. D'accord? Parce que tu t'acharnes à vouloir interdire un mal, et tu oublies le grand bien que tu vas laisser tomber, et que tu vas gaspiller à cause de ça. D'accord? Oui, c'est ça. Ça, c'est une histoire-là. Exactement. Ça sent le hikmah, ça sent l'ilm. Ça, c'est des questions à nous. Ça, c'est apprendre. Ça, c'est les ulama qui font ça, d'accord? Et ça, c'est une autre objection, une autre réponse qu'on peut donner à ceux qui disent, par exemple, ah, mais il y a du bien dans telle chose. Comme, par exemple, il y a du bien dans les élections. Ils jugent le bien selon leur compréhension à eux. Sauf que si tu vas voir les ulama, eux, ils vont pouvoir analyser la question et pouvoir se sortir avec les bienfaits et les méfaits d'une façon beaucoup plus claire, beaucoup plus approfondie, hein, avec l'expérience qu'ils ont, avec la connaissance qu'ils ont, tout ça. La sagesse qu'ils ont. Donc ça, c'est... Ouais. Ça, c'est un bon exemple. Ismaël, il vient de donner un exemple, peut-être ça nous rapproche un peu de l'exemple que le chef mentionne. C'est comme par exemple un médicament. Le médicament peut avoir des effets secondaires, d'accord? Sauf que le bien qu'il amène est plus grand que le mal qui est dedans, d'accord? Donc dans ce cas-là, c'est très bête de vouloir, par exemple, dire aux gens, non, prenez pas ce médicament-là parce qu'il y a des effets secondaires minimes, puis de gaspiller le bienfait de ce médicament-là qui serait beaucoup plus grand que par rapport aux méfaits des effets secondaires. Ça, c'est un exemple, je pense, qui nous donne quand même une une comparaison par rapport à l'exemple que le chef donne ici dans la philosophie Ismaïl. C'est un autre exemple peut-être aussi qui me vient à l'esprit maintenant, c'est comme par exemple quelqu'un qui a sa gangrène, la gangrène qui s'est installée dans sa jambe, hein, à cause d'une blessure. Et là, on doit lui couper la jambe, parce que si on ne lui coupe pas la jambe, ça va pourrir tout son corps au complet, ça peut... Par exemple, ici dans l'exemple, hein, dans la vaccin, on peut, dans le vaccin, il y a des bactéries là, ou des choses qu'on te donne de la maladie, des aspects de la maladie qu'on te donne en toi, et ça t'aide à créer des anticorps. Donc quand tu vas être atteint réellement de la maladie, ton corps va être préparé pour combattre cette maladie. Donc c'est un exemple aussi du mal, il y a un grand bien qui en découle. Hein. Donc le chef il continue et dit المعروف وإن كان المنكر أغلب نهى عنه. Si le mal est plus grand que le bien, il interdit le mal. Oui. Le munkar, c'est tout ce qui est mal. Désobéissance à Allah, et tout ça. On a expliqué ça dans le premier principe. C'était pas là, je vous en ai fait. Ou bien c'est arrivé un peu après. Parce que, mais tu écouteras le cours, je pense, 11, tu vas trouver l'explication en temps. Donc, si le mal est plus grand que le bien, tu l'interdis le mal. حتى لو استلزم فوات ما هو دونه من المعروف. Même si ça implique que tu vas perdre un peu de bien. D'accord? On va dire, il y a du bien, puis il y a du mal ensemble, sauf que le mal est plus grand que le bien. Tu interdis le mal dans ce cas-là. Même si ça implique perdre un petit peu de bien. Mais. Ouais, non. Non, je ne vais pas le dire. Mais il y a une chose à ce sujet-là qui m'a fait réagir. Ça m'a montré en fait la force des ulama de Al-Sunnah, alhamdulillah. Lorsqu'ils répondent aux questions des gens, des fois, ils n'ont vraiment pas peur de rien. Vous savez, ils craignent Allah subhanahu wa ta'ala seulement. Donc, il y a une femme, il y a une fille qui a posé une question au Cheikh Ibn Baz. Et ça, vous pouvez trouver cette question-là sur le site même du Cheikh Ibn Baz, un site officiel. La question c'est, mon père, du moins je suis une jeune fille, je porte le hijab, je pratique l'islam, et je vais dans une école mixte, des hommes et des femmes. Donc, moi j'aime pas ça et je voudrais cesser d'étudier dans cet endroit-là, parce que je sais que c'est haram. Sauf que mon père, il m'interdit d'abandonner mes études et il me force à continuer et il me dit que si j'abandonne mes études, il va divorcer ma mère. Donc, qu'est-ce que je dois faire, Yachir? Et là, le chef qui répond, il me dit non, tu n'as pas le droit d'étudier dans les universités ou dans les écoles où il y a la laïcité, tu dois abandonner ça, parce que la connaissance que tu as acquérie jusqu'à maintenant, c'est suffisant pour toi. Et il dit le cheikh donc que tu dois abandonner tes études. Et là après, il dit en ce qui concerne ton père, qui a menacé qu'il allait divorcer ta mère si tu perds tes études, il dit alors on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il donne à ta mère un meilleur mari que lui. Alors il dit même si ton père il te menace de telle chose, il dit ne laisse pas, même s'il te menace de telle chose, tu ne dois pas oublier tes parents dans la désobéissance de Allah. Donc quand j'ai entendu cette réponse-là du cheikh, j'ai dit subhanallah, tu vois à quel point le cheikh il essaie de faire comprendre l'importance de dire à Allah. Et un autre exemple de ça aussi, c'est cheikh Al-Fawzan, rahimahullah. On lui a posé la question au sujet de la barbe, où il dit je suis dans l'armée et un ordre ou un décret, c'est un ordre officiel yani, dans l'armée que toutes les personnes dans l'armée, les soldats devraient se raser la barbe, qu'est-ce que je dois faire? Et le chef il répond, le prophète, wa'alaikum salam, wa'alaikum wa barakatuh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, depuis 1400 ans auparavant, il a émis un décret que tu dois garder ta barbe. Alors maintenant, là, il doit regarder peu importe ce qu'il y a, subhanallah. Donc, il lui a répondu de la même façon que wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est-à-dire, oui, c'est incroyable. Il a dit, oui, il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam asbara qararan. La même façon, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a émis un décret lui-même, il y a 1400 personnes. Donc, lequel de ces deux décrets-là, tu vas prendre le plus important? Donc, déjà, ça nous fait voir un exemple encore là du chef, sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu fiik. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم وعليكم السلام. donc le chef il dit, donc là le mal est plus grand, puis donc tu l'interdis ce mal, même si ça implique que tu vas perdre un peu de bien. Le chef il dit ويكون الأمر بذلك المعروف المستلزم للمنكر الزائد عليه أمرا منكرا وسعيا في معصية الله ورسوله. Donc ça veut dire que si toi tu persistes à ordonner ce bien là et que tu oublies ce mal qui est plus grand, et que tu persistes à vouloir ordonner le bien qui implique ce plus grand mal, eh bien c'est comme si en réalité tu persistes à faire un effort dans la désobéissance d'Allah et de son messager. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, ويكون الأمر بذلك أهوي. أما لو تكافأ المعروف والمنكر المتلازمان فلا يأمر بهما ولا ينهى عنهما فتارة يصلح الأمر وتارة يصلح النهي وتارة لا يصلح أمر ولا نهي ولا نهي. وحيث كان المعروف والمنكر متلازمين وذلك في الأمور المعينة الواقعة. donc le chef dit en ce qui concerne la situation où le bien et le mal sont équivalents, hein, le bien et le mal sont les deux à égalité. Non, donc le chef dit dans ce cas-là tu ne dois ni ordonner un des deux ni interdire un des deux. Peut-être que par certaines fois c'est mieux d'ordonner et certaines fois c'est mieux d'interdire. Et parfois, c'est mieux de ne rien faire du tout. C'est-à-dire, tu n'ordonnes pas, ou tu n'interdis pas. Ça dépend des situations. Et le chef dit que ça, c'est seulement dans les cas particuliers, dans les cas spécifiques. Mais dans la règle générale, on ordonne le bien et on interdit le mal dans une personne ou dans un groupe. Hein? Ça, c'est la règle générale. Le chef dit. فيأمر بالمعروف مطلقا وينهى عن المنكر مطلقا في الفاعل الواحد والطائفة الواحدة ويأمر بمعروفها وينهى عن منكرها ويحمد ممدوحها محمودها ويذم مذمومها بحيث لا يتضمن الأمر بمعروف فوات أكثر منه أو حصول المنكر فوقه ولا يتضمن النهي عن المنكر حصول ما هو أنكر منه أو فوات معروف أرجح منه. ومن هذا الباب إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي بن سلول وأمثاله من أئمة النفاق والفجور لما لما لهم من أعوان فإزالة منكره بنوع من عقابه مستلزمة إزالة معروف أكثر من ذلك يغضب قومه وحميته وينفر أو ينفر الناس إذا سمعوا أن محمد صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. donc ça ça vient résumer un peu. et le chef il dit que donc en général la règle c'est que on interdit le bien et on leur donne le on interdit le mal, on ordonne le bien, on ordonne le bien, on interdit le mal, ça c'est la règle générale. Et on glorifie celui qui fait le bien et on blâme celui qui fait le mal. Et il donne comme exemple le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas tué Abdullah Ubay Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Il ne l'a pas tué parce que c'était le chef des hypocrites au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était le chef des hypocrites. Et avec lui, il y avait beaucoup de gens qui le supportaient. Il y avait beaucoup de gens derrière lui. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu que, dans le fait d'essayer de, par exemple, de l'éliminer, il y aurait eu une conséquence plus négative. C'est que les gens allaient dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam tue ses propres compagnons. Donc, pour éviter ce mal-là, il a préféré laisser ce mal en présence. D'accord? Puis là, le cheikh, il mentionne une cinquième règle. On va la clarifier, on va terminer avec cette règle-là. Puis, la semaine prochaine, on va pouvoir continuer le neuvième point dans ce livre. Donc, on va expliquer la cinquième règle. Et c'est أن الأحكام الأصولية والفرعية لا تتم إلا بأمرين هما وجود الشروط وانتفاء الموانع. D'accord, وجود الشروط وانتفاء الموانع. Ça veut dire la cinquième règle que les règles fondamentales dans la religion musulmane et les règles qui découlent de ces fondements-là, on ne peut pas les appliquer excepté avec deux principes. Il faut qu'il y ait deux choses pour pouvoir les appliquer. Premièrement, c'est que les conditions de cette règle-là doivent être respectées, ça c'est de un. Et deuxièmement, il faut être capable de montrer qu'il n'y a rien qui empêche l'application de ces règles-là. D'accord? Donc, premièrement, il faut que les conditions soient là pour pouvoir les appliquer. Deuxièmement, il faut pas qu'il y ait aucune chose qui vienne empêcher l'application de ces règles. Et là, je vais vous donner les détails de cette avec les explications. Le chef dit قلت وهذا أصل عظيم في جميع أحكام الشرع سواء كانت أصولا أو فروعا لا بد من وجود شرطهما وانتفاء موانعها فلو وجد الشرط لكن كان هناك مانع لم يصح الحكم. Donc le cheikh il dit ça, c'est une règle très grande dans toutes les règles de la charia, dans toutes les principes de la charia, que ce soit dans les fondements ou dans les choses qui découlent de ces fondements-là, il faut absolument qu'il y ait les conditions qui soient respectées et il faut qu'il n'y ait rien qui vienne comme un empêchement pour que cette chose-là puisse être appliquée. Donc si, le cheikh il dit, si on a la condition mais qu'il y a un empêchement, le verdict ne sera pas applicable. Et là, il dit, وَمِنْ ذَلِكَ مَثَلًا آيَاتُ الْوَعِيدِ فِي حَقِّ مَنْ يَرْتَكَبَ أُمُورًا مُحَرَّمَةً فَهُوَ أَهْلٌ لِمَا جَعَ فِي النُّصُوصِ مِنَ الْوَعِيدِ لَكِنْ قَدْ يَكُونُ هُنَاكَ مَانِعٌ يَمْنَعُ مِنَ الْعِقَابِ كَالتَّوْبَةِ وَاسْتِغْفَارُ الْمُؤْمِنِينَ أَوْ الْمَصَائِبِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ مُكَفِّرَاتِ الذُّنُوبِ. Donc le cheikh il dit que, comme exemple, les versets dans le Coran qui sont des menaces, c'est-à-dire des versets sont venus pour menacer les gens qui font des péchés, menaces de l'enfer, d'accord? Le cheikh il dit, elles sont vraies par rapport aux gens qui font des choses interdites, d'accord? Et donc les gens qui font des péchés, ils méritent les menaces qui sont dans ces versets-là, d'accord? Excepté qu'il est possible qu'il y ait un empêchement de ces punitions-là vis-à-vis de cette personne. Il est possible que, même si cette personne a commis ces péchés-là, par lesquels Allah les a menacés de l'enfer, mais il peut y avoir quelque chose qui vienne empêcher la punition elle-même. Et comme exemple de ça, il y a le fait que la personne peut se repentir. Donc si la personne a fait un péché et qu'elle vient par la suite et qu'elle se repent, alors là, on ne peut plus, il y a quelque chose qui vient empêcher cette punition-là, c'est-à-dire la repentance. Ou bien la demande de pardon, le fait que les croyants demandent pardon pour lui, ou le fait que la personne ait une épreuve, c'est-à-dire soit une maladie ou une fatigue ou quelque chose qui vient lui faire une épreuve dans sa vie, et que Allah subhanahu wa ta'ala, par cette épreuve-là, lui efface ses péchés. ou bien d'autres parmi les choses qui sont des causes pour l'expiation des péchés. Il y a plusieurs causes de ce genre-là. Donc ça, c'est un exemple du fait que quelqu'un peut avoir les conditions pour être dans la menace d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais il peut y avoir un empêchement. Après, il donne un autre exemple. On nous a l'éclat, « As-salat matalam »« La buddha min wujud shartiha »« Wa huwa at-tahara »« Fi man arada as-salat bila tahara »« Fala tasihu lahu minhu li faqdi shartiha » Donc, il donne comme exemple, par exemple, il faut absolument qu'il y ait la condition pour pouvoir faire la prière. Et une des conditions de la prière, c'est que tu sois en pureté. Si tu es dans une, si tu n'es pas pur, hein, tu peux pas prier. Donc, ta prière, même si tu pries, eh ben, elle sera pas acceptée dans l'Allah subhanahu wa ta'ala, tant que tu n'as pas respecté la condition. Le chef dit, wa min hadha, alors, c'est le takfir, hein, wa tabdi' wa tafsir. وهو باب قد عظمت فيه الفتنة والمحنة وطاشت فيه الأحلام وكثر فيه الافتراء وتشتت فيه الأهواء والآراء وموقف أهل السنة والجماعة السائرين على منهج السلف الصالح من تكفير أهل البدع والعقائد الفاسدة هو التفصيل وهو أن أهل البدع ليسوا على درجة واحدة فمنهم من هو مقطوع بتكفيره كمن أتى بقول أو فعل مكفر وتمت في حقه شروط التكفير وانتفت موانعه ومنهم من لا يحكم بكفره لانتفاء ذلك في حقه لذلك الشيخ الزي en ce qui concerne cette règle aussi elle est un fondement dans en ce qui concerne la question de takfir, c'est-à-dire de déclarer que quelqu'un est mécréant, kafir, ou de tabdir, de déclarer que quelqu'un est mubtadir, qui est un innovateur, ou at-tasfiq, de déclarer qu'une personne est un fasiq, c'est-à-dire un pécheur, quelqu'un qui est pervers. Donc, dans ce cas-là, il y a des règles et ça s'applique ces deux principes-là. Il faut qu'il y ait les conditions et il faut qu'il y ait qu'il faut qu'il n'y ait pas quelque chose qui vienne empêcher l'application de ces verdicts-là. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc le cheikh il dit, il cite un livre qui s'appelle Mawqif Ahl al-Sunnah wal Jama'a min Ahl al-Bid'ah wal Ahwa, la position des gens d'Ahl al-Sunnah vis-à-vis des gens de la Bid'ah et de la passion, un livre du cheikh Ibrahim al-Ruhaymi. Le cheikh il dit que c'est un sujet, ce sujet-là dont on vient de mentionner, takfir, tabdi' ou tafsir, c'est une question dans laquelle il y a eu beaucoup de fitna, beaucoup de preuves, et qu'il y a eu beaucoup de divisions, et les gens ont suivi beaucoup leurs opinions et leurs passions à ce sujet-là. Mais la position de Ahl Sunnah wal Jama'a au sujet de ces questions-là, de déclarer quelqu'un mécréant ou innovateur ou des choses de ce genre, eh bien, c'est le manhaj de Ahl Sunnah wal Jama'a. Là-dedans, c'est que, en ce qui concerne les mauvaises croyances et en ce qui concerne la déclarer les gens de bid'ah mécréants, c'est de regarder la question en détail, de regarder les choses de façon détaillée, à tafsir. Le cheikh, il met une note ici. هناك قول يرى نفي التكفير نفيا عاما عن أحد من أهل القبلة فلا يكفر أحد من أهل القبلة وقول يرى تكفير أهل البدع تكفيرا مطلقا وأنهم كلهم كفار خارجون عن الإسلام وكلا القولين مناجب للصواب ومخالف للأدلة الشرعية وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله خطأ من نسب هذين القولين لأحد أئمة السلف وأن الصواب هو التفصيل وهو القول الحق من أئمة السلف انظر مجموع الفتاوى المجلد السابع صفحة 337 و 340 إلى 340. كيف تستطيع؟ الشيخ يقول il y a des gens qui pensent que on n'a pas le droit de déclarer quiconque des gens de la Qibla, des musulmans, on n'a pas le droit de déclarer personne comme étant un mécréant. Et il y a une autre position qui croit que tous les gens de Bid'a sont tous des kuffars en dehors de l'islam. Et le cheikh il dit que ces deux positions-là sont toutes des positions qui sont contraires à la vérité et qui sont loin de la réalité et qui sont contraires aux preuves du Coran et de la Sunna. Et Ibn Taymiyyah, rahimallah, cheikh l'islam, il a dit que la personne qui attribue une de ces deux positions-là à un des imams des salafs, eh bien, il a fait une grave erreur. Et que la réalité, c'est qu'on doit détailler la situation et la question. C'est-à-dire, on doit rentrer dans les détails et clarifier la situation. Et ça, c'est la position des imams de Ahl-Sunnah, hein, à Immat al-Salaf. Et la référence de ça, si vous voulez vérifier, dans Majmou al-Fatah, le volume 7, page 337 à 340. Le chef Ibn Taymiyyah explique ça en détail. Par la suite, donc, le chef, il explique qu'est-ce que ça signifie quand on dit at-tafsil. Huwa, wa huwa anna ahlul bid'a, laysu ala darajatin wahida. Les gens de bid'a ne sont pas dans un seul degré, dans un seul niveau. Il y en a parmi eux que c'est définitif que ce sont des gens kuffar. C'est définitif que ce sont des mécréants. Pourquoi? Parce qu'ils ont soit, ils sont soit arrivés avec des paroles de kuffar, ou ils ont commis des actes qui sont en eux-mêmes des actes de mécréance, et que dans leur cas, on a montré qu'il y avait les... Hein? Dans leur cas, on a établi les conditions du takfir, il y a eu les conditions, et toutes les objections ou les choses qui pourraient empêcher l'application de ces articles-là ont été... éloigné. Donc, dans son cas, lui, il y a les conditions, puis il n'y a aucun empêchement pour l'appliquer. Donc, dans ce cas-là, on n'a pas le droit d'éviter d'établir le takfir à son sujet. Et le chef dit que parmi les gens de Bid'a, on n'a pas le droit de dire qu'il est kafir. Pourquoi? Parce que il y a peut-être un empêchement au fait de pouvoir le déclarer comme étant mécréant. Et l'exemple de ça, c'est une personne, par exemple, qui serait jahil, une personne qui serait ignorant, ou une personne qui aurait une shubha, ou des choses de ce genre. Il y a différents cas qui sont expliqués par les ulama dans les références, différents sujets. Le chef, il mentionne différents livres qu'on peut retourner. Donc après, il dit « ahaduhuma », parmi ces exemples-là, des choses qui pourraient empêcher. ثم إن القول في تكفير أهل البدع وتكفير عموما مبني على أصلين عظيمين. Donc, voici la règle générale résumée. La parole en ce qui concerne de déclarer les gens bid'a comme étant des kuffars et de faire le takfir en général est fondée sur deux principes fondamentaux. Les voici. Le premier, أحدهما دلالة الكتاب والسنة على أن القول أو الفعل الصادر من المحكوم عليه موجب للتكفير، وثانيهما انطباق هذا الحكم على القائل المعين أو الفاعل المعين بحيث تتم شروط التكفير في حقه وتنتفي الموانع. Donc il y a deux choses à comprendre. Premièrement, il faut prouver que l'acte, la parole de la personne est coupe avec le Coran et la Sunna. Si tu n'es pas capable de prouver que son acte ou sa parole est coupe, donc tu ne peux pas prouver que la personne est kafir. Il faut prouver que qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a fait, est un acte qui le fait sortir de l'islam en premier. Donc, la première condition, c'est par rapport à l'acte ou la parole elle-même. Par rapport à la personne, juste, enfin, par rapport avec la personne, juste avec l'acte ou la parole elle-même pour savoir est-ce que c'est coupe. La deuxième base de ce principe, c'est un rapport avec la personne, maintenant. Une fois qu'on a prouvé que la parole ou l'action est courte, par les preuves du Coran et de la Sunna, maintenant, il faut prouver que cette preuve-là s'applique à la personne. D'accord? Donc, le cheikh, il dit, il faut prouver que ce verdict-là s'applique à la personne en particulier. Et que la personne qui a dit, qui a fait cet acte, eh ben, il a rassemblé en lui-même les conditions du takfir, et qu'il a aucune chose qui vient empêcher l'application de ce verdict-là sur lui. Le chef dit « وَهَذَانِ مَثْلَانِ أَيْضًا يَنْطَبِقَانِ عَلَى الشَّخْصِ عند الحكم عليه بالابتداع والفسق أو الفسق وهو دلالة الكتاب والسنة على أن القول أو الفعل الصادر من المحكوم عليه بدعة ويكون القائل وكون القائل المعين أو الفاعل المعين تمت في حقه شروط التبديع وانتفاء موانعه انتهى كلامه رحمه الله نعم donc le cheikh il dit que ces deux principes là ils s'appliquent également pour la personne sur laquelle on a établi un verdict de bid'a ou de péché yani de fisq de perversité ou de corruption et il faut qu'il y ait les preuves du Coran et de la Sunna que l'acte ou la parole qu'il a émis ou qu'il a prononcé ou agi qu'il a fait sont des actes qui comprennent une bid'a ou un péché. Et deuxièmement, il faut prouver que la personne elle-même, elle a respecté les conditions qui fait qu'elle est moubtadi' et qu'il n'y ait pas d'empêchement pour dire que la personne soit un moubtadi' ou des choses de ce genre. Donc ça c'est la fin de cette partie. Alhamdulillah, c'était comme on dit une pilule un peu dure à avaler, mais une fois qu'on l'a avalé, là elle est douce. Hein? Et puis, de toute façon, je voulais pas rentrer du tout dans les détails à ce sujet-là, puisque c'est une question qui, comme le cheikh a dit, il y a beaucoup de fitna là-dessus, beaucoup de fitna, beaucoup de désordre là-dessus. Il y a des gens qui font takfir à tort et à travers, sans aucune preuve du Coran et de la Sunna. Hein? Et même il y a des gens qui disent, t'as pas le droit de dire que quelqu'un est kafir et eux sont les premiers à faire le takfir. Hein? Comme quelqu'un qui dit, par exemple, il dit pas à quelqu'un, parce que le prophète a dit, celui qui dit de son frère qu'il est kafir, alors ça va revenir, ça va monter dans le ciel et ça va retomber sur un de ces deux-là. D'accord? Ou bien, il y a différentes versions de ce hadith, mais ça va retourner à celui qui le mérite peut-être. Ouais. Tu ne parles de Nation of Kufr? Non, eux sont des kuffars, il n'y a pas d'autre. C'est comme les chrétiens. Les chrétiens, c'est des kuffars. Les juifs, c'est des kuffars. Ouais, ben ceux qui ont d'autres, c'est là qu'ils sont. C'est trop. Regarde, il y a le cheikh Mohamed Abdel Wahab, il a écrit les 10 choses qui annulent l'islam de quelqu'un. Parmi les 10, il y en a un qui dit man lam yukaffir al kafir ou al mushrik ou shakka fi kufrihi. Celui qui dit par exemple que le kafir n'est pas kafir, il est kafir. Et celui qui doute qu'il est kafir, il est kafir. Donc par exemple quelqu'un te dit non, les juifs ne sont pas des kuffars, c'est un kafir. Mais s'il dit, je suis pas sûr que c'est du kuffar, il est kafir. Sauf, bien entendu, s'il est ignorant. Si cette personne-là, c'est un peu ignorant. Mais lui, le gars de Nation, je parle, là, la question de l'ignorance, c'est pas, est-ce que le chrétien est ignorant? Est-ce que le juif est ignorant? La question, c'est, est-ce que le musulman qui doute de sa récréance est ignorant? Ou est-ce qu'il dit qu'il est pas ignorant? Là, c'est pas la même situation. Nation of kuffar, ce sont des kuffars. Il n'y a pas de doute là-dessus. Non, jamais. Ils n'ont rien à voir avec l'islam. Je ne peux pas les appeler les Nation of Islam. Ah, les Nation of Islam. Non, mais. Mm-hmm. Bon, tu vois. Ça, c'est clair. Si quelqu'un dit qu'il est Allah, est-ce qu'il y a un doute après que cette personne-là est un kafir? Et un doute par Allah. Celui-là, il est pire que les chrétiens et les hindous, les bouddhistes. Mm-hmm. Pour moi, je vais t'expliquer quelque chose. Ces gens, regarde, Issa, il y a une chose que tu vas comprendre. Les gens de Nation of Kufr, s'ils voient un athée qui est noir, qui ne croit ni en Dieu, ni en quoi que ce soit, ni au paradis, ni à l'enfer, il va dire que c'est son frère, tandis que toi, qui es musulman, tu pries 5 fois par jour, tu n'es pas musulman pour lui, même si peu importe ce que tu fais. Non, ces gens-là, ils ne prient pas. Non, c'est leur prière. Ils ne prient pas. Tu sais, ces gens-là, quand on leur passe. Ils ne font pas ça pour Allah. Non, ils ne font pas ça. Non, je suis Allah. Tu vois? Et regarde, tu vois ces gens-là, si tu leur dis par exemple, qu'il y a un paradis, et tu dis non, le paradis ça n'existe pas. C'est un mensonge que les Blancs ont inventé pour rendre les Noirs esclaves. Hein? Souffrez dans votre esclavage, endurez, puis vous allez au paradis. Tu vois l'ignorance de ces gens-là? Oui, mais va dire ça, là, c'est symbolique, c'est pas réel. Ça, là, ces gens-là, sachez que Fad Muhammad et Elijah Muhammad, c'était des Ismaïlites. C'était des du'as ismaïlites qui sont venus de l'Inde pour venir ici en Amérique pour appeler les gens à suivre leur version de l'islam. Ils le recouvrent avec une couverture de black nationalism pour le faire passer comme étant l'islam. Mais en réalité, les croyances qu'ils ont dans leur croyance, là, etc., c'est tiré exactement des sectes ésotériques qui ont existé depuis des siècles dans les pays musulmans, mais qu'ils ont ramené ici en Amérique et introduit sous une autre forme pour montrer que c'est un nouveau message. C'est des ennemis de l'islam, ces gens-là. Plus pire que les chrétiens.